Bonjour et bienvenue dans cette 9e vidéo de méditation semi-guidée. Aujourd'hui, nous allons explorer l'équanimité. Pour commencer, prends la posture habituelle, que tu dois maintenant bien connaître. Et une fois que tu es bien mis en position, et que tu es calme, que tu respires profondément et que tu es équilibré, pense à l'amour que tu as pour la personne ou les personnes que tu aimes le plus au monde. Cela peut être ton compagnon, ta compagne, un parent, un frère, une sœur, un ami très proche. Concentre-toi sur ce sentiment d'amour maximal que tu ressens pour cette personne ou pour ces personnes. Observe ce sentiment dans le détail. Où est-ce que ce sentiment se situe dans ton corps? Peut-être qu'il est dans ta poitrine. Peut-être qu'il est ailleurs. Est-ce que c'est une chaleur que tu ressens quelque part? Quelle est la couleur de ce sentiment? Quelle est sa texture? Comment te sens-tu quand tu penses à cette personne que tu aimes le plus au monde? Est-ce que ce sentiment te procure du bonheur? Comment te sentirais-tu si tu ressentais ce sentiment pour plus de personnes, voire peut-être pour tout le monde? Pense à l'amour que tu as pour une personne un peu plus éloignée, un ami moins proche. Imagine que ton amour pour cette personne augmente et atteint le même niveau que l'amour maximal que tu ressens pour la personne que tu aimes le plus. Imagine que tu aimes d'un amour égal tes amis les plus proches et les moins proches. Continue à méditer jusqu'à ce que tu ressentes un amour égal pour ces personnes que tu aimes. Et demande-toi comment te sentirais-tu si tu ressentais toujours un amour maximal pour tous les êtres. Je vais maintenant te laisser méditer seul et essayer de cultiver un amour maximal pour différents êtres. D'abord pour tes amis éloignés, puis pour les inconnus, puis pour des ennemis ou des gens qui t'ont fait obstacle à un moment donné. Et enfin pour les animaux, tu vas essayer de ressentir un amour maximal pour les êtres vivants, quels qu'ils soient. Essaye de ressentir un amour égal et aussi fort que celui que tu as pour les gens les plus proches de toi, pour tous les êtres. C'est maintenant la fin de la méditation, tu peux ouvrir les yeux et étirer les bras. Tu n'as peut-être pas réussi à ressentir un amour maximal pour tous les êtres. Tu as un peu fait l'expérience de l'équanimité. Demande-toi si tu es plus heureux ou si tu te sens mieux en pratiquant un amour égal pour tous les êtres. Si c'est le cas, tu peux emmener un peu de cette équanimité que tu as créée en toi aujourd'hui avec toi et ressentir et pratiquer le même amour envers toutes les personnes que tu vas rencontrer. Te comporter avec elles comme si c'était les personnes les plus proches, les plus importantes pour toi. On se retrouve demain pour un exercice de méditation où on reprendra un exercice de concentration sur la respiration.